erreur. C'est vrai que je t'ai causé du tort. Laisse-moi t'offrir mon cœur. L'amour sur un son Jay-Z. J'suis un mec busy qui mène une vie de l'amour. Nous rapproche, mais parfois nous éloigne. Ça commence par des reproches. Je raccroche quand le parfum témoigne. On ne se rend pas compte dans l'immédiat. Y'a rien de pire que de voir sa vie privée dans les médias. La route est longue donc j'attache mes lacets. S'il le faut, je ferai le tour du monde à pied pour t'enlacer. Je peux pas vivre sans ta compagnie. Quand tu feras les courses, je serai toujours là pour t'accompagner. Juste le fait de te voir me donne le sourire, bébé. Accorde-moi une chance que je puisse te chérir. Je suis la plante que toi seul peux arroser. Mon cœur bat si fort, j'ai l'impression qu'il va exploser. Chérie Coco Fidoline, je te promets d'être fidèle. T'auras ta liberté, je suis pas Castro fidèle. Pardonne-moi de ne pas avoir été là. Je suis ton Black Nutella, mais cette fois-ci je compte rester là. Pardon pour mes erreurs, c'est vrai que je t'ai causé du tort. Laisse-moi t'offrir mon cœur. Je pas je te ferai l'amour sur un son Jay-Z. Je suis un mec busy qui mène une vie trop easy. Qui était-elle? Que faisait-elle? Avait-elle plus de valeur que moi? Comment pourrais-je oublier ce que tu me demandes aujourd'hui de te pardonner? Tu promets d'être fidèle, mais qui me dit qu'un jour tu ne recommenceras pas? Un jour auras-tu le courage d'être plus fort que ça, résister sans mentir et lui dire que tu m'aimes? L'homme est faible, c'est dans ses gènes. Regarde ces jeunes qui courent après les femmes sans gêne. Trop facile. À présent, je te garantis que notre amour ne sera plus illusion. Réalisons nos rêves. Ensemble, nous bâtirons l'empire éternel grâce à toutes ces raisons. Dis-moi quelles raisons, fais bien attention. Des mots, des belles paroles, maintenant je n'en veux plus. Pourquoi m'as-tu fait ça? Pardon pour mes erreurs, c'est vrai que je t'ai causé du tort. Laisse-moi tout faire mon cœur. Sur un son Jay-Z, je suis un mec busy qui mène une vie trop easy. Tu sais, la vie en couple n'est pas facile à gérer. Y'a des hauts, des bas, mais faut surtout pas exagérer. Je reconnais que t'avoir trahi est une faute grave. Je navigue dans la solitude, mais faut que je reste brave. Je sais, je vois bien que ton malaise n'est pas là pour un temps. Je t'aime et je crois bien que nos espoirs me reviennent doucement. La nuit, je rêve de toi dans mon sommeil. Et soudain, mon étoile brille comme une femme au soleil. Je t'écrirai des poèmes au clair de lune. Je te chanterai la bohème pour oublier nos lacunes. Lady, dans l'ivresse. Sans toi, je deviens crazy. J'ai besoin de tendresse. C'est ma cause que je viens plaider. Je suis pas prêt à céder, te posséder. J'en rêve, baby, baby. Dis-moi pourquoi m'as-tu fait ça? Pardon pour mes erreurs, c'est vrai que je t'ai causé du tort. Laisse-moi tout faire mon cœur. Sur un son Jay-Z, je suis un mec busy qui mène une vie trop easy. Dis-moi pourquoi m'as-tu fait ça? Pardon pour mes erreurs, c'est vrai que je t'ai causé du tort. Laisse-moi tout faire mon cœur. Dis-moi une fois combien je te ferai l'amour sur un son Jay-Z, je suis un mec busy qui mène une vie trop easy.